Chapitre 8e. Au bureau, Mademoiselle Zizi, pâle comme un sueur, confirma honnêtement ses précédentes déclarations. Elle signa le procès-verbal d'une main qui tremblait et son désarroi émut profondément l'inspecteur. Il comprenait le trouble de la jeune femme. Celle-ci se rendait compte qu'elle avait été un instrument de mort, à la suite d'une odieuse machination. La seule chose qui pût la sauver, ce serait l'aveu de Pierrot. Il faudrait amener Darken à reconnaître sa préméditation, à lui faire dire qu'en maniant le réchaud, il savait que son ami lui conseillerait de couper le gaz, que c'est dans cette seule intention qu'il avait organisé sa démoniaque mise en scène. Ce serait difficile, car le neveu de Séraphin Père-Banche était un fin renard. Il l'avait bien prouvé. Après avoir enfermé la figurante dans une antichambre, vide à cette heure tardive, l'inspecteur se rendit à la permanence où il demanda des nouvelles de Chenu et de Dubosc. On lui apprit que les deux hommes avaient trouvé Darken à 5h30 à son bar habituel où il disputait d'inoffensives parties de Zanzi. Depuis ce moment, ils n'avaient pas quitté leur gibier. Pierrot s'était levé sur le coup de 8h. Il était allé manger quelques sandwiches, puis il s'était rendu à son tripot clandestin où il tentait sa chance à la roulette. Le brigadier des Chenus était entré dans l'établissement. Quant à Dubosc, attablé dans un bistrot, dont il pouvait surveiller discrètement l'entrée de la maison de jeu, il attendait les ordres du chef. Quentin lui téléphona immédiatement. « Je t'envoie un planton avec un mandat d'arrêt en blanc, » dit-il dans le cornet, « mais ne t'en sers que si Darken refuse de vous accompagner. Je veux l'avoir ici le plus rapidement possible. Nous l'interrogerons à trois, ton collègue, toi et moi. Tu vois ce que je veux dire. Ce sera très dur, mais nous devons coûte que coûte obtenir ses aveux. Il le faut, comprends-tu? Il le faut pour tirer du pétrin une pauvre gosse qui l'a emberlificotée. Entendu, patron, répondit la voix familière à l'autre bout du fil. J'expliquerai la chose à Chenu, j'irai le rejoindre dès que votre envoyé sera arrivé. Ainsi que l'avait prévu l'inspecteur, ce fut non seulement difficile, mais terriblement long. Le neveu de Séraphin Père-Banche entra dans le cabinet de l'inspecteur principal à 10h10 du soir, accompagné par les deux hommes qu'il n'avait fait aucune difficulté à suivre. Il était calme et paraissait sûr de lui. Le brigadier Chenu, sur le seuil, avait lancé à son chef un clin d'œil complice. Il avait compris. Il régnait dans le bureau une chaleur torride, et lorsque Pierrot fit mine de se débarrasser de son lourd pardessus, il l'assura que réellement cela n'en valait pas la peine. « Salut Pierrot !» fit Odilon Quentin de sa grosse voix joviale. « Je t'ai fait venir pour t'annoncer que tu es un menteur, en même temps qu'une infâme crapule !» L'autre s'apprêtait à protester, mais l'inspecteur ne lui en laissa pas le temps. « Tu connaissais le décès de ta tante Nathalie, et c'est ce qui t'a incité à supprimer ton oncle, afin d'hériter de sa fortune, tout en paraissant n'avoir aucun intérêt à sa mort. » L'autre n'eut pas un geste de dénégation. Il se contenta de sourire en disant, légèrement méprisant, « Je me demande bien qui vous a fourré de semblables stupidités dans la tête. En tout cas, il vous appartiendra de le prouver. » Tu allais tous les jours chez ton oncle lui faire rapport sur ton activité et toucher tes commissions de démarcheur, n'est-ce pas? Oui. Donc tu savais qu'il s'était absenté pour aller à Bourg-en-Bresse à l'enterrement de sa sœur. Pardon? J'ignorais la cause de ce déplacement. Mon oncle ne m'avait rien dit. Il savait que nous étions brouillés, ma tante et moi. Dans l'affaire de Rossel où ta poule a été acquittée, c'est toi qui lui as proposé la marchandise, hein? C'était Dubosc qui entrait à son tour dans le jeu. « Comment vas-tu rembourser les 150 000 balles que tu as perdues au poker ?» intervint Chenu. « Avec l'héritage, pas vrai? Comme tu l'as du reste annoncé à qui voulait l'entendre ?» Les questions partaient de tous les côtés à la fois. Pierrot, à qui l'on avait refusé une chaise, restait debout, emmitouflé dans son lourd par-dessus, tandis que ses trois interrogateurs, en manche de chemise car il faisait étouffant, jetaient sur le papier des notatives sans cesser de parler. Il tint bon pendant plus de 4 heures, répondant sans se couper. À 2 heures du matin, il fit son premier faux pas. Tu as dit à la petite Zizi que le poêle à gaz de ton oncle était allumé? Non, naturellement. Le naturellement était de trop. Il était significatif. Il constituait un début d'aveu, une présomption de culpabilité. Le mot était venu comme ça, bêtement. L'homme était éreinté. Son cerveau, dans sa tête, lui donnait l'impression de se liquéfier. Il supplia. Laissez-moi m'asseoir. Dès que tu auras avoué. Je n'ai rien avoué, je n'ai rien fait. Il reprenait courage, se raidissait une nouvelle fois, et la torture redoublait d'intensité. Les questions claquaient comme des coups de revolver, rapides, incisives. Il avait des nausées, il se sentait le vertige. « Pourquoi as-tu menti tout à l'heure en nous racontant que tu avais bu un apéritif, alors que tu prétends maintenant que c'était une canette de bière. On lui demandait des choses idiotes, c'était en perdre la tête. Tout tournait, il ne savait plus ce qu'il disait. Il tituba et faillit tomber, mais un vigoureux coup de pied dans les fesses lui fit reprendre ses esprits. Un peu. Il était 6 heures du matin. Inlassables, les 3 hommes poursuivaient, tenaces, patients, butés, implacables. Ils avaient l'habitude. À 8 heures, ils se firent monter de la bière et des sandwiches qu'ils mangèrent, tout en continuant à gueuler comme des forcenés. C'était affreux. Darken était devenu une loque humaine. Il avait sommeil, il voulait dormir, ses yeux se fermaient, il ne parlait plus, il balbutiait. Était plus rouge qu'un homard, et la sueur lui dégoulinait sur le visage. Tout le long du corps, son col était devenu un chiffon, trempé, l'homme était hébété, vidé, et les questions fusaient de partout. « Tu n'as pas soufflé dans le tuyau du réchaud de Zizi, tu savais qu'il ne manquait rien à l'appareil. Tu as monté toute cette comédie pour amener la petite à descendre dans la cave, fermer le compteur, afin d'asphyxier ton oncle. » « Oui. » Pierre Darken, après avoir tenu le coup pendant 11 heures d'horloge, venait d'avouer. Il tremblait de fièvre. L'eau lui coulait des jambes, des bras, comme s'il sortait d'un bain turc. Le parc était mouillé tout autour et il s'affala. « Dormir, » gémit-il. Dubosc le redressa de force, sans ménagement. « Signe d'abord !» Il signa l'aveu hâtivement griffonné sur le procès-verbal, et il sombra dans un sommeil d'abruti, sans même s'en rendre compte que le brigadier chenu lui passait les menottes. Ainsi s'achève La meurtrière innocente, une enquête d'Odilon Quentin par Charles Richebourg.